vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Salut Antoine. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut Jean-Philippe. Comment ça va? Et Mathieu Bouillon. Ça va? Bonne nuit, ma petite étoile. Ben voyons là. C'est sa première phrase que j'ai de la journée. Toujours dans le parc Laurier? Oui, personne ne s'est demandé de prendre le recul par rapport au changement de nos conditions depuis un mois. Ah, on est en chute libre. Ah oui. La débarque. Mais on a du fun au bout. Oui, on est bien. Oui. Ouais. Je sais plus, moi. Ouais. Donc, à tous les amis qui ont des studios d'enregistrement, héberger un podcast. Hein? Oui. La seule chose qu'on demande, c'est beaucoup de chips. Des chips, des pretzels dans le chocolat. Ouais. Bref, des paniers d'osier de gratuité. Oui. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Low maintenance. Des petits drinks. Oui. Alors, Jean-Philippe, cette semaine, le problème, c'est... Le problème qui nous vient de Pierre-Luc Robert, qui nous dit « Cher podophile, comment faire pour vider nos cartes de crédit? » Et en passant, ça vient de sur Google+. Oh, wow! J'ai lu sur ma presse que c'était le dernier message avant la fermeture de Google+. T'as pas vu pour la... Pour le poisson d'avril, ils ont fait Google Maps en 8 bits. Ah oui? Ouais, c'est très drôle. Wow! Bon, ben, peut-être le temps que... que tu dis ça, c'est fini. Que tu dis ça, ouais, les gens vont faire comme... Ah ouais, tout le monde essaie. Ils ont fait la même chose avec Mad Men, hein? Ah ouais? Ils ont fait un jeu 8 bits avec Mad Men. Oh. C'est que des dialogues, c'est très drôle, c'est drôle bien fait. Alors, on vous rappelle que si vous avez des problèmes à nous proposer, je le dis tout de suite de même, vous pouvez le faire par Facebook, par Google+, par Twitter ou par courriel, si vous voulez garder l'anonymat. Alors, pas de problème, pod@gmail.com. Bon. Et il reste, dépêchez-vous, quelques places pour des réponses au concours, mais ça s'empile... Enfin, dépêchez-vous. Je ne veux pas créer de panique, il y a de la place, mais il faut y aller. Le boudoir à quiz, Chantoine, est presque plein. Oui. Voyons, les jeunes. Ouche! Les enfants qui courent. C'est de la vermine. Alors. Carte de crédit, c'est un gros problème. Mais pourquoi, juste comprendre, dans quel but est-ce qu'il voudrait vider sa carte de crédit? C'est comme. Ben parce qu'il n'a plus payé d'intérêt. OK, donc c'est payer sa carte de crédit qu'il veut. C'est pas la loader au complet, là, jusqu'à n'avoir plus de crédit dedans, là. Hein? Non, c'est préparé, toi, pour comment mettre, comment acheter avec une carte de crédit. Ouais. Non, je pense que c'est vidé. Pour vider nos cartes de crédit. Okay. Donc, on les prenne. C'est une bonne prémisse de film, pareil, Mathieu. Ben oui, hein. Ouais, je pense que ça a 12 jours pour remplir la carte de crédit. Ils se contrôlent aussi avec des télécommandes. Oui. Ça, c'est bon. Plus-value. Ah, ça serait bon. 20% des Canadiens. Ouais. Sont endettés. Dans la dernière année, disent avoir mis une de leurs cartes de crédit à la limite. Ah oh, ouais. C'est, fou, hey, c'est énorme, hein? C'est beaucoup. Et 20%, je ne sais pas si c'est la même gang, ont dit utiliser leur carte de crédit à un moment donné puisqu'ils n'avaient plus d'argent. Ah oh, ouais. C'est, moi, c'est ils font, ça. Ils arrivent à faire j'ai pas une scène, je fais l'épicerie. Carte de crédit. C'est incroyable, c'est ça qui est dangereux. Il faut que tu sois serré en temps d'avoir. Mais c'est dépenser de l'argent que tu n'as pas. Oui. Puis que tu sais pas si tu vas l'avoir. C'est ça qui est un peu rushant. Parce qu'après ça, ça te coûte plus d'argent. Mais oui, c'est fou raide. Surtout les compagnies privées. Ben c'est toutes des compagnies privées, on s'entend. Mais tu sais, Visa, Mastercard, les frais de les intérêts, tout ça, sont quand même assez contrôlés, j'ai l'impression. Ouais. Quand tu tombes dans les compagnies privées, là, les cartes HBC, de la B, des cartes comme ça, c'est ça les pires. Là, c'est fou. Oui, ils t'en mettent là-dessus. Ouais. Ouais, ben écoute, il y a quand même des règlements, des lois fédérales, là, il y a quelques mois qui ont passé pour limiter ça. Mm-hmm. Parce que des fois, là, c'était proche du frais des frais usuraires. On est dans un parc. Pour l'heure des frais usuraires, je sais qu'il y a un certain contrôle. Là. Je sais pas jusqu'à quel point. Ceci dit, c'est clairement exagéré. Oh, ouais. Bon. L'épargne en 1990 des Canadiens était à peu près de 13%. Oh. 13% de l'argent qu'ils faisaient arrivait à le mettre de côté. Et c'est passé en 2005 à zéro. À zéro? Zéro. Fait que les gens sont even, c'est ça. Ils ne mettent pas d'argent de côté. Aïe, aïe. En moyenne, il y a du monde qui se met de l'argent de côté, puis il y a du monde qui sont dans le trou. Attends, l'épargne est avant de... 13%. Les gens en moyenne arrivaient, donc des gens beaucoup plus, des gens pas du tout. Ouais. En 2005, la moyenne, c'est zéro. Mm-hmm. Bon, c'est sûr, je ne sais pas si ils calculent les hypothèques. Moins deux. Moins deux. Pour vivre, À crédit. Tu vas à crédit. Tu vas à crédit. C'est vrai que tu payes ton hypothèque à mesure, puis tu l'as tes cartes de crédit, ouais. Puis t'en prends de l'argent. Ouais. Puis là, tu payes une petite partie à chaque mois, puis... Ouais. Moi, je me rappelle, là, dans la rue chez nous... Pardon. Méchant. Genre, les maisons, là, non, on disait, ah, oh, eux autres, ils vivent à crédit. Tu sais, là, c'est des gens qui devaient avoir des conditions de vie, mettons, comme nous autres, là, moyennes, mais qui cambreraient large un peu, là. Ah ouais, hein. Tu sais, il y avait un jugement même de ça. Je sais pas si vous autres... Mes parents, même chose. Eux autres, ils se doivent la tête. Ils se doivent la tête, ouais. Ouais, ouais. Attends, il y a des grosses maisons dans le Ménil, à Québec. Ouais. Non, non, écoute, ben, je pense qu'il y a toute une certaine époque, il y avait une certaine fierté à ne pas avoir de dette, à faire... de l'argent un peu. Puis j'ai acheté mon char cash, puis... Ouais. Mais les taux d'intérêt à l'époque étaient exorbitants, non? Mais le prix des maisons était beaucoup plus bas, mais les taux d'intérêt étaient très, très hauts. Il y a quand même une aujourd'hui, je pense, aussi. Ben, on non, mais il y a plus une agence de faire... On achète rarement en cash, là, mais je veux dire, là, c'est plus Non, mais t'es content, mais c'est pas dans mon environnement. Ouais, les gens qui sont à crédit, leur maison, leur char, ils ont des dettes d'étudiants, je fais pas comme, « Hey, je n'ai pas de respect pour cette personne-là. » Oui, tout le monde, pas de trouble, tu sais. C'est la normale. T'es content quand je suis d'accord avec toi, on est tous contents quand on paye nos dettes, mais c'est plus... T'es plus stigmatisé parce que tu dois de l'argent, enfin, ben non. Comme moi, comme toi, comme tout le monde. En finance, les cartes de crédit sont les pires dettes qu'il n'y a pas. Il y a des bonnes dettes puis il y a des mauvaises dettes. L'immobilier étant une bonne dette. Mais acheter une auto... Carte de crédit, des choses comme ça, ce sont de mauvaises dettes et tout, parce que ça perd la valeur. Carte de crédit, ça n'a pas de valeur, évidemment, mais des autos, ça n'en perd instantanément. J'avais vu un documentaire qui s'appelle Maxed Out, où on parle justement des cartes de crédit, puis c'est plus avantageux pour eux d'avoir des gens qui ne payent pas tout de suite. Ben oui, évidemment. Parce que, ben, on n'est pas comme ceux qui font de l'argent. Sauf que... À la longue, c'est ça, il y a vraiment... On crée un peu un... Un monstre. Oui, non, mais une société qui, justement, devient s'appauvrit au profit de... Des banques, là. Fait que dans le fond... Là, Encore les maudites banques. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand t'es à jour dans tes paiements de crédit, ben, t'enrichis pas ta banque, là, tu sais. Fait que ça, c'est comme un premier argument, mettons. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait d'autre, là? On sait aussi... que avoir des dettes, ça cause des problèmes de santé. Ouais. Sans doute, le stress. Mais il disait que si on arrivait à réduire les dettes personnelles, ben de façon générale, ça aurait un impact sur notre système de santé. Mm-hmm. Bien concret, on sauverait tous, collectivement. Mais oui. Ouais, ben ça, puis le fait de pas être... de pas travailler ou de... Ben, ça crée un stress énorme, hein? T'as des dettes, tu fumes, c'est sûr. Ça, c'est 100% des gens endettés fument. Ben non, mais on dit ça, tu sais, mais moi, au moment où on se parle, je suis endetté, non? Oui. Mais, ben non, j'ai mon hypothèque. C'est l'essentiel, puis ça, j'ai des cartes de crédit que j'arrive... Le jeu aussi. Là, ...à payer. Le jeu. On a dit qu'on en parlerait pas. Excuse-moi, pardon. Oui, on va en parler tantôt, Antoine. Okay, mais tantôt. C'est d'avoir un pourcentage par rapport à ton revenu qui est raisonnable. Sinon, c'était quand? Sinon, la moyenne, là, c'est 131% du revenu par an. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on dirait qu'en haut de 100%. 131? Oui, c'est la réaction à laquelle je m'attendais. Je pourrais pas l'expliquer, mais on dirait que c'est trop. C'est trop. Ouais. Trop, avec l'hypothèque, puis ça, ils doivent plus d'argent qu'ils en font. Mm. Et là, surtout que là, je ne sais pas en quelle année vous écoutez ça, là, on est en 2011. Oui, 2012, Antoine. Oh mon Dieu, je me suis trompé de parc. Mon Dieu. Je me suis trompé de parc. Ah! L'autre Antoine est en 2012. Non. Non, 11. Oui. Ils disent que les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt sont relativement bas, donc les gens empruntent des maisons, des hypothèques, de l'argent, des Renault, blabla, et que si ça monte de 1 ou 2%, ça va créer une crise majeure. Oh! Ah ouais. Et c'est ce qui se prépare. Là. Le taux directeur devrait monter. Les banques devraient monter leur taux d'intérêt. Ben, tu sais, toi, t'empruntes à 2,2%. Ouais. Tu calcules ton affaire, t'es bien flush. 3 ans plus tard, tu arrives pour renégocier, c'est 5,3. Ah ben... ben non, mais ben, c'est pas possible. Ouais. Merci beaucoup. Je déclare faillite. Ce qui se fait très bien. Mm. Oui, hein? Ah, facile. Mm-hmm. On a déjà parlé des faillites, Ben. Faillite personnelle. Bien sûr. Tout est ton nom de ma femme. Ton nom de ma femme. Des vieux trucs. Qui marchent peu. Des faux mariages, carte de crédit commune. Finalement, tout sur le dos de l'autre, divorce. Ça t'appartient. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, OK. Maintenant, des trucs concrets. parlez-moi là, de vous là, qui savez des choses. Là. C'est quoi la consolidation de dette? Tu sais, ça, c'est comme quand tu mets toutes tes dettes en un seul paiement. Tu sais, il y a des banques qui font ce service-là. Tu sais, tu as plusieurs dettes. Tu vas avoir ta carte de crédit qui va te charger 12 % par année. C'est trois cartes de crédit. Tu vas avoir ton hypothèque à 4 % Tu vas avoir Brown et Martineau qui sont à 6 % Là, tu fais... C'est absurde de payer tous ces taux-là divers. Tu vas voir quelqu'un, des gens qui se spécialisent là-dedans, une banque, c'est bonjour. Moi, je vois tout ça, mais on va tout mettre ensemble à un seul taux, idéalement au plus bas des taux que là. Donc, tu consolides tes dettes. Là, donc, eux, ils payent tout. J'ai plein de créanciers. Ils sont des fesses, comme une Mathieu. Ou t'en prends, tu vas à la banque, tu dis regardez-moi, pour tout payer mes dettes, là, j'en ai plein, on cumule ça, je dois 12 000 piastres à plein de monde. Donc, 12 000, mais nous, on te le prête. Attends. Un taux préférentiel. Excellent. Parce que t'as l'air d'un gars honnête. Oui. Puis il aime ta gueule. Ah, j'aime votre gueule. J'aime je vous votre... le donne. Mais. votre audace. Je vais signer n'importe où. Le truc niaiseux, là, c'est couper ses cartes, là. Tu sais? Ben, je sais pas, mais. Ouais, il y a des gens qui font ça. Non, mais si tu veux la vider, faut pas que tu l'utilises, là. Ouais, ça termine. Mais moi, je pense que si tu donnes un coup sur un an ou deux, là, de faire là. J'accumule de l'argent, puis dans deux ans, tout ce que je vais m'acheter, je vais l'acheter pas à crédit, je vais l'acheter avec l'argent que j'ai. C'est ça. Parce qu'ultimement, il y a des gens qui empruntent à crédit puis qui finissent par le payer. Ouais. Là, tu fais, mais il suffirait juste que tu inverses la patente pour plus payer d'intérêt. Tu sais. Ouais, des fois où tu n'arrives pas à payer un mois puis tu repousses, ou. Tu sais, voyons, mais t'as juste à. Attends un mois. C'est d'en faire une priorité, je pense. T'sais, c'est de se dire vraiment, tout l'argent que j'ai, là, je le mets vite pour clairer ma carte de crédit. Là, t'sais. Ouais. Ben, t'sais, c'est plate comme choix de vie, mettons, mais tu te serres la ceinture. Moi, je n'ai pas eu là, avant 29 ans. Carte de crédit, oui, t'sais, c'est vrai, tu m'as déjà dit ça. Ah ouais. Puis, puis avant d'avoir une maison, j'avais jamais été endetté. Et là, j'ai fini de la payer. Non, c'est pas vrai. Hey! Bravo! Non, mais... Puis c'est toujours de garder l'attitude, ben si j'ai pas l'argent, je peux pas l'acheter. Je sais pas, moi, chez nous, c'était comme clair. Ouais. Mais c'est sûr que si tu as une épicerie, là, je juge pas personne. Oui. Une épicerie, c'est une carte de crédit, mais tu payes encore ton Xbox puis ton écran plasma. Il y a... Ouais, exact. Sans vouloir juger, là, je veux faire attention. Non, c'est ça. Il y a quelque chose qui se fait, ben là, parce que là, mais ça marche pas. Pourquoi pas prendre la carte de crédit sur le du bon côté? Parce qu'il y a des bons côtés à cette affaire. Ah, oui! Ça te permet de voir ce que tu dépenses, donc de mieux gérer ton argent à la fin du mois, si tu payes toujours en date de. Oui, c'est ça. Pour tes impôts, nous, en tant que travailleurs autonomes, ça te donne déjà la liste de tes dépenses et tout ça. Ouais. Fait que tout est là-dessus, c'est déjà fait. Tu as des programmes de boni dollars, de récompenses, des gogos sur tout ce que tu as à la fin du mois. Si ça permet aux compagnies de savoir ce que tu achètes pour mieux te cibler. Oui. Ouais, exactement. C'est bon ou pas bon, ça? non, mais c'est vrai, là, c'est des affaires. Ouais. Mais ça te donne un bon nom de crédit aussi. Là. Ça te donne un bon crédit. Si tu veux acheter une maison, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Une auto, ne serait-ce qu'une laveuse maintenant, si tu veux te faire financer, il faut que tu checkes ton crédit. Non, mais tu sais, c'est ça, mais tu sois dans des hôtels ou ailleurs pour des dépôts, hein, tu loues une voiture, prennent une emprunte de carte de crédit, ils font s'il y a quelque chose. C'est ça. À l'étranger, ça vaut la peine aussi, parce que c'est souvent des seuls moyens de payer si tu n'as pas d'argent comptant, c'est la carte de crédit. C'est fini l'échec de voyage. Ben, c'est fini, certain. Arrête, là. Tu as des programmes d'assurance à l'étranger aussi, des voyages trois jours. Thomas Cook. Il y a vraiment des avantages si tu le gères comme il faut, tu sais. Oui, puis tu as même des cartes de crédit comme la mienne là, qui te garantissent tes achats pour la première année. Ben c'est ça. C'est une garantie, moi, avec ça. Là. L'électronique, deux ans, avec les cartes or, les visas. Ça, c'est... Non, mais c'est ça, il y a des assurances voyage associées, il y a plein d'affaires. On finit par la payer quand même. Assurance auto. Assurance auto. Oui, quand tu loues une auto. Gratuit d'assurance. Ouais. Ça change fait tout. C'est important, le crédit. C'est fou. Non, non, merci. Cochez non. Cochez oui, cochez non. Nom de fille de votre mère. Mais je sais que c'est humiliant. Demander un prêt personnel, donc aller voir ta famille, demander à ta mère, ton père, de te donner l'argent pour la vider une fois, parce que t'aimes trop pour te demander des intérêts, à moins que tu viennes de la famille d'Antoine qui demande des intérêts exorbitants. Non, raisonnable. C'est le taux directeur plus 0.5%. Ils gèrent tout comme ça. J'ai emprunté 5$ à mon père pour acheter un café au lait. J'ai redonné 5,62. 10. Voilà, sont dégueulasses. En dessous. Le café au lait? Non, ça dépend où. Ceux du Tim sont très, très bons. Mais t'as dit, à 1$, puis en plus, t'as un concours, tu déroules le rebord. Là, ça a de l'allure. C'est sûr que couper ses dépenses, comme ça, Tu vas la finir par la vider, ta carte de crédit. Hey. Mm-hmm. Ta carte de crédit est loadée, puis tu bois encore des lattés à 5 et sur les 5. Ben oui, pas le droit. Faut pas avoir une carte de GD. Tim Martin. Lave-auto, week-end. Ça doit aider à vider ben ouais, carte de crédit, ça. C'est sûr. Tout le monde veut faire laver son auto. Ben oui. Ouais. Ils cherchent des fois là, des non-fumeurs en bonne santé, là, une petite semaine. Ah oui. 2 000 $ À la ferme. Boum, c'est vidé, c'est d'accord. Vidé. Pour essayer un sirop qui fait pousser les cheveux. Ah ouais? Ah ouais. En plus, tu risques d'avoir des cheveux. Des beaux, beaux, ouais. beaux. Deux pour un. D'en face, mais... Consolide tes dettes, coupe tes cartes de crédit, rembourse, sors-toi la ceinture. Il y a des programmes de cartes de crédit où tu peux prendre une photo puis la mettre sur la carte de crédit, je pense. Pourquoi pas t'en faire une de toi qui fais non, avec le doigt, quelque chose comme ça. Fait qu'à chaque fois que t'en sors, tu te vois en train de te faire dire non. Ou une photo de toi avec les poches sorties. Oui. Un peu triste, là. Un peu prise. Oui, c'est ça. Une bonne photo. En plongée. C'est ça, exact. Ouais, mais volontairement, tu peux peut-être baisser tes limites de carte de crédit. Oui, oui, là, ça, tu dis, bon. Cette carte-là, moi, c'est 500 $ maximum, puis vous la bloquez si je dépense. Une seule carte de crédit. Là, tu parles. Mais tu peux pas... C'est-tu niaiseux, là, mais notons que ta carte de crédit, c'est... Elle a un taux de, je sais pas combien, là, 15. Ouais. Là, tu peux pas essayer de magasiner une autre carte de crédit, puis faire un plus petit taux, puis tout transférer. Ça fait un peu consolidation, là, mais c'est... Tu sais, c'est une bonne idée. C'est possible. Ou passer de crédit en crédit, de carte de crédit en carte de crédit tout le temps. Ouais. De payer avec ton nouveau crédit l'ancien crédit. Ouais, c'est donc, ça. Le premier mois, il n'y a pas d'intérêt. C'est ça, exact. Fait que là, passe toujours d'une à l'autre. Ah. Amen. C'est pas pire. La crosse. Ça. Ouais, changer. Tu voles. La fin, t'es rendu creux, là. T'as la carte de crédit, tu fais frustration. Je suis content que t'en parles, Antoine. Changer d'identité, oui. C'est, selon moi, une des bonnes solutions. Ouais, vraiment. Quand je m'appelais Martin McGravin, ouais. J'étais endetté. Aujourd'hui, tout va bien. Hey, moi, j'ai déjà changé de nom pour une dette de 20$. J'imagine les autres. Je sais pas si c'est une dette qu'un pari de 20$. Une vilaine dette. Une vilaine dette. L'attache à ton dos. J'avais gagé sur deux chiens qui se battaient au parc Jarry. 20$! Martin McGravin, ici, 20$. Puis le nom que tu avais pris, je pense que c'est ce qui est écrit sur le t-shirt Antoine, d'ailleurs. Qu'on voit pas, on est habillé chaudement. Ouais. Hey, ça fait longtemps, ça? Oui, on l'avait oublié. On l'avait oublié, je suis en t-shirt, on enregistre dehors, l'hiver. J'ai froid aux pieds. Qu'est-ce que j'allais dire, non, avant que... Faut pas que je sue, moi, je l'ai. Mais la simplicité, volontaire. Oui. Ouais. Faire tes podcasts dehors. Ouais. Faire tes podcasts dehors. Quitter pour 6 mois la vie sociale. Ouais. Non, ben, lui, faire une liste des choses dans lesquelles on peut couper. Là, parce que, tu sais, c'est clair que. L'alcool, chop. Ouais, chop. Ou tu fais ton alcool dans ton bain. Oui. Chop. Oui, frelaté. Oui. Ou la main. Tu sais, tu risques d'être. Frelate, mon gars. T'es peut-être aveugle si tu. Frelate. Un peu de gruau. Ouais, fait que si tu viens aveugle, ça, c'est des frais aussi que ça enlève. Ouais. Là, plus de cinéma. Ah, chopper un bras, ça dépend de tes assurances, mais... Assurance, tu peux tout rembourser, mon gars. Ouais, en plus, t'as pas de bras, t'as des cheveux grâce à la farm. Ouais, moins de théâtre, c'est tellement cher. Ça, oui, arrête d'aller au théâtre. Le prochain que je pense qui va au théâtre. Culturel, ça coûte une fortune. Les humoristes, juste si tu gagnes des billets. Qui c'est qui disait que c'est comme 10 000 personnes, toujours les 10 000 mêmes personnes qui font théâtre à Montréal? Ça se peut. Hey, ça se passe en masse, hein? Dont 9 500 comédiens? Ouais. Ben oui, nécessairement. 500 vieilles. Comédiens. Ah, j'ai une question, par exemple. Mettons, là, tu tombes sous l'assurance invalidité à ta job, là, mm-hmm. qui, dans le fond, assure tes paiements. Mm-hmm. Ben, est-ce que couvrirait des paiements que tu as faits avant d'être blessé? Mais il faut que tu continues à les payer pendant que tu es blessé. Ah, ouais. Puis même ça, il y a une espèce de 3 mois un peu mou, qu'on sait même pas si c'est rétroactif ou pas. Bon. Entre l'avoir et pas l'avoir. T'as plus de la merde. Ouais, c'est vraiment étrange l'assurance invalidité. Ouais. Ouais, mais ils donnent toujours des tout petits montants, par contre. Ah, ouais. Tu sais, comme moi, au niveau de mon hypothèque, ils m'offraient. Il fallait que je tombe complètement invalide, donc que je puisse plus rien faire pendant plus de 3 mois. Puis au 4e mois, il commençait à me donner 500$ par mois. Shit, hein? Parce que, je peux pas vivre avec 500$ par mois. C'est complètement possible. Bon, surtout si t'es invalide. Serre-toi la ceinture! Ouais. Coupe tes cartes de crédit! Ouais, non, mais. Peut-être trouver des bonnes crosses, là. Hey, j'en ai une bonne. Ça fait le tour, simuler, merci. Simuler sa propre mort. Comme ouais. ça, c'était ouais. non. Ah, ça, il y en a qui le font. Ça a marché pour Homer. Krusty l'a pas fait. C'est Homer. Krusty aussi. Oui, oui, j'ai changé de nom. Homer, les deux, en fait. Rusty B. Bellows. Ouais, exact. Martin McMahon? Non, ouais. Faker sa mort. Faker sa mort, c'était pas pire. Non, mais tu sais. C'est une très bonne idée. Oui. Mais au plus vite, tu te maries, puis espèce de contrat de mariage un peu étrange, puis elle se réveille le lendemain matin, tu dis, oh, et en passant, on partage toutes nos dettes. Ah, oui, exact. Ouais. Tu dois la moitié de 40 000 $. Ouais. Ah, salut. Le soir d'avant, tu y as rentré une carte de crédit autour du doigt. Tu me dois une pension. Oui. Quand tu disais un mariage étrange, je me disais, ah, vous devez coucher dans cette maison hantée. Oui, pour avoir un million de dollars. Vous aurez une limite de crédit de 12 000 $. Bon. C'est chiant, l'histoire sans fin. Wow. Il y a plein de choses dans le parquet. Oui. Bon, il se passe des affaires. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il peut faire pour vider sa carte de crédit? Claire et ça, là. T'sais, c'est comme une discipline personnelle de payer sa carte de crédit à tous les mois. Moi, j'imagine que si tu appelles les gens de la carte, tu leur expliques. Demain, t'as plus de cash. C'est des bonjours, je vous le dis. Là. Je n'ai pas l'argent pour vous payer. Là. Hein? On peut-tu une fois s'entendre? Oui. Il y a des c'est concours, des fois, la Visa, tout ça, là, ils vont payer ta carte pendant une couple de mois. Oui, ça arrive. C'est le temps de participer. Tu peux essayer ça. Ouais. Non, mais t'appelles là-bas et tu dis, écoutez, c'est des affaires du passé, c'est des erreurs. Là. J'ai plus ces objets-là. Ah, oui, ça. C'est fini. Ben, en plus, que si c'est pour des objets, là... Le feu purificateur. Ça rend pas plus heureux acheter des affaires, semble-t-il. Ben oui, Antoine. Ah, oh, Antoine. Non, j'ai dit « semble-t-il ». Non, mais c'est pas ça. Des voyages, ça serait plus intéressant pour le bonheur. Ouais. Puis, c'est pas des voyages que sa carte de crédit aussi. Ah, ah, ça, là. Peut-être qu'il paye son trip à Katmandou. Mm-hmm. Non, mais on le juge, là. Mais... Ouais, on le juge, que, certain. Il est loadé. Il y a plein de monde, sinon nous-mêmes, qu'on connaît. Ah oui. Qui ont des cartes. Ah ouais, mais moi en trois. En onze. Je ne le ferai pas. Je le connais pas, lui. On veut des vrais noms. J'ai eu cette discussion-là avec une amie, justement, qui fait des bons salaires, tout ça, mais qui est loadée, puis elle n'est pas capable de. S'en sortir. Il faudrait qu'elle fasse un gros investissement là, pour réussir à payer ces cartes-là, là, ou cette carte-là, du moins. Ah oui. Ouais. Non, mais tu sais. Est-ce qu'elle fait un bon salaire fixe à l'année? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. C'est pas conseiller financier. Quand t'es rendu là, ça coûte rien un conseiller financier. C'est clair. En plus. Puis après, ils vont essayer de te. Hey, mais là, t'as de l'argent de plus. Place-le donc ici. Ouais. Puis tu fais oui, tant mieux, parce que c'est mieux que dans mon compte régulier. Tu t'inscris à l'émission, là, Till Death Do Us Apart. OK. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une télé-réalité où t'as des gens, c'est souvent des couples, des petits amis qui disent bonjour, voici, nous, on est criblés de dettes. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, t'as, je sais pas, c'est une madame, là, qui fait OK, venez-vous-en. À part, elle dit ça, non, ça paye pas ça, ça rembourse, ça coupez ça. Ça, vous avez pas besoin de ça. Rencontrez votre banque, venez renégocier ça. Vous avez signé ce contrat-là? C'est bien trop cher, vous avez pas là en petit ici, il vous faut. On annule ça, qui fait du ménage. Oui. Je sais qu'il y a un programme aussi qui s'appelle SOS Dette. Tu sais, on a vu des annonces. Oui. Je sais pas c'est quoi, là. C'est le gars qui fait poigner. Tu vois ça, ça aussi, là. Tes problèmes de dette, non. Problèmes de dette, t'en veux-tu plus? Bang. Non, mais... Mais, tu sais, quand tu payes une maison, là, tu t'installes, ou peu importe, ils disent, bon, ben c'est tel montant à chaque mois. Ben, faut que tu... C'est niaiseux, là! J'essaie d'expliquer le concept de la carte de crédit. Non, mais, tu t'assumes, là, tu penses, tu t'assois, là, puis tu penses à ton affaire, puis tu fais, bon, ben ça, c'est mon montant que je dois rembourser par mois, puis... Ouais. Ou... Ça revient à ce qu'Antoine disait, vis pas au-dessus de tes moyens. Ouais, ben mettons qu'on parle de ça, là. Non, Antoine avait raison! C'est ça, Mathieu, j'ai regardé dans les yeux. Ouais, totalement. C'est un monsieur que je disais. Mettons moi après moi, là, M-O-I-S, là. Quelles sont pour vous là, les dépenses les plus genre, enrageantes? T'sais, les affaires que vous voyez sur votre carte de crédit à chaque mois, puis ça fait tabarnak. Je suis tanné de payer ça. Ben moi, le cellulaire, je trouve ça extrêmement cher. Cellulaire, c'est cher. Ouais, un petit peu de compétition qui commence. Les prix devraient peut-être baisser, mais particulièrement au Canada, c'est cher. Oui, c'est cher. Si on compare aux États-Unis. Les maudites patchs. Les serviettes sanitaires. Non, mais tu payes dans le vide. Ça sert à quoi cette affaire-là une fois par mois? Ben, en plus, je suis en tabarnak. C'est bien, non, prends du pain. J'ai investi. Non, le Divocop. OK. Ouais. Bon, ce qui est choquant aussi, ce sont... Moi, je trouve que les pires dépenses sont des fois les restaurants. Quand que c'est des restaurants de fortune, tu sais, c'est pas genre... Tu t'es payé une bonne sortie resto, là. Ouais, c'est genre... Chris, t'as accompagné ici parce que j'ai pas été de revenir chez nous, puis tu sais, ça, c'est fâchant. Et les taxis. Les maudits taxis, là, ça, ouais, là, ça nous coûte une estie de fortune. Puis moi, des fois, je paye ça avec ma carte de crédit, là, parce que j'ai pas d'argent sur moi, là. Moi, j'ai réalisé que plus je suis à l'heure, moins j'ai besoin de taxi. Pardon? Plus je suis à l'heure, moins j'ai besoin de taxi. Plus t'es à l'heure, moins t'as besoin de taxi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est, oui, c'est de notre faute. Mais c'est vrai que les restaurants, c'est enrageant. Ce qui est enrageant dans les restaurants, c'est l'entre-deux. Ouais. Que, si tu payes 7$ pour aller manger une soupe ton quinoise, tu t'en fous. Mais c'est quand t'arrives, t'es pogné, puis tu vas manger dans une place un peu de merde, genre Mike's ou une affaire de même, puis que ça finit quand même par te coûter, tu sais. 25$. C'est ça, exact, 25$. Hey, on se cherche des commanditaires, les gars. Puis je pense que ben, Mike's... c'est pas eux autres. Mike, ils ont arrêté de livrer chez nous, les hosties. Hein? Il y a déjà un 16e italien. Tu faisais livrer du maïs chez vous? C'est dégueulasse. C'est un sous-marin. C'est bon, les sous-marins. Okay, ouais, les sous-marins sont corrects. Non, là, un moment donné, j'appelle, ils font « Ouais, on livre plus jusqu'à là. » Jusqu'à là où? Chez vous, Martin McMahon? Griffin. Jusqu'où ça? Où c'est que vous restez, vous? Il y a un carré, là. Mike, c'est livré. Barbouski? Je savais pas ça. Non! Depuis quand Mike se livrait? Il a toujours livré? Oui, je sais pas. Jamais sûr. Il y avait même pas un numéro de téléphone catchy, 10-10? Non, ça, c'est Pizza, je pense. Oh, parfait. D'ailleurs, eux, on les aime. Eux, ils livrent jusqu'à chez nous. On les adore. Puis des fois, ils ont des spéciaux moins chers pour plus d'affaires. L'autre fois... $1 de plus, vous avez une large puis des bâtonnets. Non, pour une pièce de moins, vous avez des desserts en plus. OK. Non, merci. Non. Vous ne saurez pas. On est juste plus gros. Ah, c'est ça, une pièce de moins? Ah, j'allais dire d'autres choses. C'est drôle. Ne pas le sous-estimer les coupons rabais en épicerie puis ces affaires-là, puis sur les boîtes de céréales qu'on achète. Tu sais, peut-être quelqu'un là, qui voudrait être à la scène, là, qui utilise ça là, pour sauver un bon 18$ par mois. Ah, mais sauver de l'argent, il y a plein de façons, là. Ouais. C'est vider sa carte, là. Ouais, c'est vider sa carte. C'est ça, ouais. Ça passe par sauver de l'argent quelque part. Hey, se faire un party bénéfice, vidons ma carte. Oui, mais. Ah, oui, là, j'aime ça. On pense à. Puis, écrire en parenthèse en dessous, si c'était toi, je le ferais. Ouais. Complètement. Ouais, party bénéfice. Vous pouvez m'occuper samedi prochain? Non, mais j'ai rien à l'horaire. Pourquoi? Mon hypothèque! Oh! On règle mon hypothèque. C'est une fin de semaine. Chacun notre tour. L'hypothèque. L'hypothèque. Yes! Woo! C'est une fin de semaine. Chaque fois qu'il trouve un jeu de mots, on dirait que c'est le bout de la barbe. Ouais, c'est fait. Un peu moyen. On va le vendre. Qu'est-ce que tu allais dire? Se trouver une job qui paye beaucoup les dépenses. Comme ça, tu peux peut-être passer des dépenses antérieures à ton employeur. Comme un commis voyageur. Ah ouais donc? Ça paye des dépenses. Belle idée. Ouais. Représentant. Oui, représentant. Mais où aller à une place, là, où, comme entrer dans une secte où il faut que tu donnes tout ton argent, là. Mais là, tu fais. Faudrait. Rembourser mes rembourser avant que j'en donne. Ah, c'est bon. Faut que je rentre dans votre gang. J'aimerais bien ça, mais. Hey, je veux tellement, là. Mais c'est ça. Je veux être là, c'est la seule qu'on. Il y a aussi une chanson mon vulgaire machin qui donne un bon point de départ pour faire plus d'argent. Tu sais, je fais de la poudre. Fait que fais de la poudre. Pour travailler plus. Pour travailler plus, pour faire plus d'argent. Oh, c'est bon. Pour faire plus de poudre. Ben, c'est bon, c'est quand même une bonne idée. Non. Non. Non, je dis non. OK, vos solutions préférées, monsieur? Vos solutions préférées. Moi, c'est, comme on en a parlé longuement, l'héritage surprise, truquer les freins de la voiture paternelle. Oh, oui! Hop, les dettes de carte de crédit. Bing! Monsieur, je veux pas briser ton slogan. L'hypertech, c'est oui. Ça? Oui. C'est ça. Yeah! Oh, la main! L'encourage pas! Non, on va la payer, la maison d'Antoine. Il fait pitié, là, vraiment. Et en vedette. Check sa tuque. En vedette, oui. En vedette à l'hypertech. Dolly Partech. Parfait. Regarde-tu ce que t'as fait? Un monstre. Moi, ma solution préférée, c'est l'image de toi sur ta carte, soit qui fait non ou soit qui fait « Mais j'ai plus d'argent! » Oui, c'est drôle. Ouais. Un petit chien, les oreilles basses avec deux signes de dollars dans les yeux. Là. Ouh, attends, encore mieux! Tu fais une image de genre de trou de pète. Oui, un anus. Puis là, t'es toujours gêné de sortir ta carte. Ah! Ouais. quelque chose de gênant sur ta carte. Drôle, ouais, il y a quelque chose de super gênant que tu veux pas la sortir. Comme... Fait que là, par Internet, t'es parti. Tu peux avoir ta carte? Pourquoi pas le bonhomme sac à sous pendu de Monopoly. Ah, oui. Oui, c'est bon, ça. Ça peut mal tourner, la fortune. Oui. Moi, ma solution préférée, c'est clairement un emprunt à la famille. Pas de dette. Pas de dette. Pas de dette. Taux d'intérêt bas. Tu leur dois combien, ta famille? C'est tous des dons. Oui, c'est ça. Oh, wow! Consolidation de dons. Alors... Merci de nous avoir écoutés. Hein, ben oui, lâchez pas. Oh, cantine. Oui. Et continuez à nous écrire. Et allez sur iTunes, votez pour nous. Cinq courriers. Et d'ici la semaine prochaine, oui, la mouette? je venais juste vous dire, salut! Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Rush!